Carolomag numéro 283, décembre 2024. À la une, Noël en Ardennes. Au sommaire ce mois-ci. 2. Édito. 3. À la une, marché de Noël, un enchantement pour toute la famille. 4. Actualité. Stationner plus simplement avec le jalonnement dynamique. Un mariage, un arbre. L'éclairage public, moins énergivore. Stationner gratuitement, c'est possible. Le nouveau plan de circulation adopté. Transformation de la cour de l'école Jules Verne. Une nouvelle chaufferie ultra performante. Aux petits soins pour notre écrin de nature. Devenez une famille internationale. Des chèques cadeaux pour les seniors Carolo. Budget, la ville maintient le cap. Budget participatif, on vote. 5. Les rendez-vous à ne pas manquer. Le maire présentera ses vœux le 5 janvier. Le club Razorback débarque au forum. Nouvelle des musées, atelier linogravure à la maison des ailleurs. Quand marché rime avec festivité. CCAS, la magie des fêtes arrive à grands pas. Les ateliers numériques du CCAS. 6. Info pratique. Permanence du maire, l'horloge fleurie sur pause et préparez-vous pour l'hiver. 7. Agenda, les dates à ne pas manquer. 8. Sport, l'étoile, déjà le début des matchs retour. Cross de la ville, tout le monde court. Karaté, des carolos couronnés. Corrida de Noël et agenda sportif. 9. Un peu d'histoire. Les établissements d'île, articles industriels à Charleville. 10. Expression politique. 11. Ardennes Métropole Le Mag. 2. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Nos seniors à la fête. À l'heure où j'écris ces lignes, la place Ducal achève les préparatifs qui vont lui permettre d'accueillir son marché de Noël. Pour rappel, cette manifestation qui s'étiolait a été relancée avec succès il y a 10 ans. Centrée sur les animations et produits ardennais, elle attire aujourd'hui plus de 200 000 visiteurs, ce qui en fait l'une des animations les plus populaires des Ardennes. Une animation qui nous permet également d'entrer de plein pied dans la période des fêtes. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour saluer tous ceux qui travaillent le soir du 24 ou du 31 décembre. C'est grâce à leur présence, à leur dévouement, que le commun des mortels peut goûter pleinement ces deux rendez-vous tant attendus. Et permettez-moi également d'avoir une pensée pour celles et ceux qui, pour diverses raisons, ne pourront ou voudront participer à ces moments de liesse. Ne les oublions pas. À ce propos, j'ai souhaité cette année que tous nos seniors reçoivent un cadeau offert par notre ville. Jusqu'alors, seuls les plus modestes d'entre eux se voyaient offrir au moment des fêtes un colis de Noël composé d'un large choix de produits de bouche, sélectionnés avant tout pour leur qualité. Désormais, tous les autres, quelles que soient leurs ressources, auront eux aussi droit à un présent. Il se présentera sous la forme d'un chèque cadeau d'un montant de 20 euros, chèque qui pourra être utilisé auprès d'une centaine de nos commerçants. Connaissant la générosité et le sens du partage qui caractérisent bien souvent nos aînés, je sais que nombre d'entre eux profiteront de ces différentes occasions pour offrir à leurs proches un cadeau supplémentaire. Excellente fête à toutes et à tous. À l'année prochaine. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 19 décembre à 18h30. 3. À la une. Depuis le 23 novembre, le centre de notre ville scintille de mille feux avec le marché de Noël. Vous avez jusqu'au 29 décembre pour profiter de ce conte de fées hivernal où se côtoient magie, féerie, surprise. Un lieu hors du temps où l'enchantement règne en maître. Pour que la magie puisse opérer, les agents municipaux se sont affairés pour transformer la place Ducal en un véritable écrin pour les fêtes de fin d'année. Armés de leur savoir-faire, saupoudrés d'une dose de magie de Noël, ils ont dressé les chalets, installé les centaines de sapins, tendu les 1800 mètres de guirlandes lumineuses. Chaque détail a été pensé pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable. Les premiers passants, émerveillés par les décorations et l'ambiance chaleureuse, n'ont pas caché leur enthousiasme. Sur la place Ducal, la roulotte des marionnettistes du Théâtre à Denis propose des spectacles les mercredis et les week-ends entre 14h et 19h. La compagnie belge a pris possession d'un chalet où vous pouvez admirer et acheter leurs créations. Au détour des allées, vous serez sans doute bercé par les effluences d'aligot, de poutine, une recette québécoise composée de frites, de sauce brune et de fromage, d'acra et beignets des îles, beaucoup plus locales, les croûtes ardennaises, la caca sac unu et la fameuse salade au lard. Que les personnes végétariennes se rassurent, la majeure partie des plats proposés sont déclinés afin de satisfaire le plus grand nombre. Des écharpes, des bijoux fantaisistes en pierre et des produits intégralement confectionnés en bois, montres, nœuds, papillons, décorations, font aussi partie des nouveautés que vous pouvez découvrir. Sans oublier les incontournables vins chauds, sandwichs raclette, boules mousse, bar à champagne, huîtres ainsi que tout le nécessaire pour décorer votre intérieur ou votre table en ces moments de fête. La Chambre des métiers et de l'artisanat, un nouveau partenariat. Afin de promouvoir le savoir-faire local et les talents du territoire, la ville a noué un partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes en mettant à disposition un chalet commerçant. Toutes les semaines, vous pourrez y retrouver un artisan local qui vous présentera tout son savoir-faire. Vous découvrirez des métiers aussi méconnus que surprenants, comme la fabrication d'articles de sellerie personnalisée et de maroquinerie, de la dominoterie, de la marqueterie, de la bijouterie fantaisie ou encore de la fabrication artisanale d'objets en bois et tout particulièrement de stylos personnalisés. Cette vitrine vient compléter les ateliers créatifs du mercredi qui se déroulent sous le chapiteau transparent. Ce dernier abrite également le marché artisanal de Noël chaque samedi et dimanche jusqu'au 23 décembre. Une dizaine d'artisans et producteurs locaux, cidreries, spiritueux, confiseries et pâtisseries, bijoux, illustrations, vanneries, décorations, vous proposent le fruit de leur production. A noter que deux journées spéciales sont proposées, le 7 décembre avec Petite Bulle de Créateurs et le 8 décembre avec un marché autour du parc naturel régional des Ardennes. Un marché de Noël animé. À travers les allées, vous croiserez certainement quelques créatures légendaires et fantastiques des Ardennes avec en guise de nouveauté cette année un espace scénographique inédit dédié aux contes populaires et merveilleux Hansel et Gretel. Chaque semaine, ne manquez pas non plus le spectacle merveilleux Le Duel Enchanté qui se déroule les mercredis et samedis précédant Noël à 17h30 sur la scène centrale. Une ultime présentation est programmée le lundi 23 décembre. Exceptionnellement, il n'y aura pas de spectacle le 18 décembre. Et pour cause, le Père Noël fera sa grande parade depuis la rue Bérégovois jusqu'à la place du Cal dès 17h avant de s'installer confortablement avec sa lutine dans son quota. Les enfants pourront leur rendre visite du 18 au 24 décembre inclus. Un second quota, lieu de rêverie par excellence, est pour sa part consacré aux contes et autres histoires de Noël. Les dimanches, laissez-vous emporter par l'ambiance festive du marché de Noël. Au programme, déambulations, concerts de fanfare et diverses animations vous y attendent. Ajoutez à cette programmation des concerts les vendredis 29 novembre, Danoise Mad, 20, Airben et 27 décembre, Easy Swing en soirée, des spectacles de danse sur glace et un concert de trompe de chasse le vendredi 6 décembre à 17h, suivi d'une dégustation de gibier ardennais. Sans oublier évidemment les ingrédients qui font le succès du plus grand marché de Noël des Ardennes, le manège sapin, le carrousel, la patinoire, la piste de luge et la grande roue. Vous pourrez retrouver le programme complet sur le site www.charleville-6-mézières.fr. Le marché de Noël sera ouvert du dimanche au jeudi de 13h à 20h et vendredi et samedi de 13h à 22h. Le marché sera fermé le mercredi 25 décembre. Circulation et stationnement. Durant cette période, la place du Cal restera accessible sur la partie droite, permettant aux véhicules d'accéder aux rues du Moulin et de Mantoue. Les livraisons seront autorisées sur l'ensemble de la place jusqu'à midi. Pour la corrida du samedi 21 décembre, la place du Cal et les rues adjacentes seront fermées à la circulation et au stationnement. Le saviez-vous ? 7 parkings gratuits sont disponibles pour vous permettre de profiter des festivités. Place des Droits de l'Homme, passerelle du Mont-Olympe, de la Haut, Fraison, Petit Bois, du Bois Crancé ainsi que Voltaire 1 et 2. Si vous privilégiez le stationnement payant, vous disposez d'1h30 de gratuité tous les jours partout en ville. Lire en botte. Dans la continuité des nombreuses actions qui jalonnent l'année, Charleville Lecture propose l'opération Lire en botte jusqu'au 23 décembre tous les jours de 15h à 18h. Lire en botte offre le plaisir de lire et d'écouter des histoires de Noël pour un public familial dans un quota chaleureux et accueillant. Des animations gratuites, art-thérapie, écriture à la plume, balle à jojo seront également proposées aux petits et aux grands. Planning affiché dans le quota. Informations au 03 24 32 40 35. Festin de Noël en direct, prêt à vous régaler ? Nouveauté 2024, les étudiants de l'école hôtelière de Bazeille vous donnent rendez-vous le vendredi 13 décembre dès 15h sous le chapiteau transparent pour un moment exceptionnel intitulé « Atelier culinaire et art de la table pour les fêtes de fin d'année ». Des amuse-bouches au dessert, en passant par la réalisation d'un cocktail au dressage de la table, les futurs chefs réaliseront un repas complet à partir des produits marqués « Valeur Parc PNR ». Des fiches méthodes seront distribuées pour vous permettre de reproduire ce festin chez vous. Clou du spectacle, 8 personnes tirées au sort parmi le public auront le privilège de déguster à la belle étoile ce délicieux repas préparé avec soin par les élèves. Sapin du cœur, une vente pour les Restos du cœur. Du 4 au 21 décembre, l'Amicale forestière ardennaise et les Restos du cœur, avec le concours de l'Office national des forêts, vendent des sapins de Noël au profit des Restos du cœur. Vous trouverez rue Bourbon, sur le parking de l'Office national des forêts, au niveau de l'entrée du parking centre-ville, un choix de Nordman et d'épicéa de toute taille, vendus entre 15 et 60 euros. Des pieds fabriqués par les bénévoles des Restos du cœur sont également proposés, fixés au tarif de 5 euros. Pour une fraîcheur maximale, les épicéas ont été coupés début décembre par les bénévoles de l'Amicale forestière et des Restos du cœur. Si le cœur vous en dit, venez aider à vendre en contactant les Restos du cœur au 03 24 33 51 91 de 10h à midi et de 14h30 à 17h30. Collecte de sapins, un geste pour l'environnement. Noël passé, il sera temps de dire au revoir à votre sapin. La ville met en place différents points de collecte où vous pourrez déposer votre arbre qui sera ensuite acheminé au service des espaces verts pour y être broyé et servir ensuite de paillage dans les massifs. Cette collecte gratuite de sapins naturels, sans pots ni sacs en plastique et décoration, se fera du 24 décembre au 24 janvier dans les lieux suivants. Place de la Basilique, parking cimetière Féroul, place Marceau, place du Teux, place de Montcy-Saint-Pierre, place Joliot-Curie, place du Nant, rue Noël et place de Manchester. L'année passée, près de 900 sapins ont pu être recyclés. 4. Actualité. Aménagement. Stationner plus simplement avec le jalonnement dynamique. La ville investit dans un nouveau système de jalonnement dynamique pour les parkings Bourbon et Gonzague et Point Central qui permettra aux automobilistes de connaître en temps réel le nombre de places disponibles. Les automobilistes pourront s'orienter vers le parking le moins saturé. Ce système intelligent permettra d'améliorer la mobilité et de faciliter l'accès au commerce. En effet, la réduction du temps de recherche d'une place de stationnement qui en découle diminue le nombre de véhicules avec des effets positifs sur la circulation, le bruit et la qualité de l'air. L'installation de ce système est également accompagnée d'une reprise du jalonnement statique des parkings avec la remise à neuf et la création de nouveaux panneaux de signalisation des parkings. Ce système de jalonnement dynamique concerne actuellement les parkings Gonzague et Bourbon, mais pourra s'étendre à d'autres. Les panneaux sont installés depuis début décembre dans 5 points stratégiques de la ville. Sortie de voie rapide, avenue de Gaulle, place des droits de l'homme, rue Coispine et avenue d'Arche. Deux nouveaux panneaux sont également installés à l'entrée des parkings concernés. Tous seront fonctionnels début janvier 2025. Célébration. Un mariage, un arbre. Afin de célébrer l'union des carolomassériens, la ville a instauré l'opération « Un mariage, un arbre ». Le principe ? Pour chaque mariage célébré en mairie, la ville plante un arbre de l'amour dans ses parcs et squares. En pratique, à l'issue de la cérémonie, les époux recevront une carte de félicitations leur précisant la localisation de l'arbre. Planter un arbre est symbole de vie, de force, de beauté et de croissance. Autant de qualités que l'on souhaite voir se développer dans une union. Outre l'aspect symbolique, il s'agit d'une démarche écologique permettant d'accroître le patrimoine arboré de la ville et de contribuer à préserver la biodiversité. Les arbres, achetés localement, ont été sélectionnés pour leur bonne adaptation au climat ardennais, érables, bouleaux, saules, tilleuls ou encore arbres fruitiers. Économie d'énergie. L'éclairage public moins énergivore. Pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux, la ville a lancé un marché public global de performance, MPGP, en 2023. La deuxième phase de cette opération visant à moderniser l'éclairage public s'achève en décembre 2024. Avec la hausse constante des dépenses énergétiques, Charleville-Mézières continue sa mobilisation pour maîtriser sa consommation électrique. La collectivité a ainsi lancé, en janvier 2023, un marché public global de performance, MPGP, pour moderniser l'éclairage public sur les 4 prochaines années. Généralisation de la LED, télépilotage et télésurveillance de l'éclairage, adaptation de l'intensité lumineuse, modernisation des réseaux. Ce projet ambitieux permettra à terme d'atteindre une diminution de 82% de la consommation électrique liée à l'éclairage public, tout en modernisant et améliorant les performances de son parc constitué de 10 540 points lumineux. En 2023, la modernisation de l'éclairage a concerné plus de 1 400 lanternes et 179 mâts et 360 mètres de réseau. En décembre 2024, le déploiement a continué avec le remplacement de 2 400 luminaires et la rénovation de 100 armoires de commande, désormais équipées de télégestion. Dans le cadre de ce marché, le parc de feux tricolores passera également en LED et leurs armoires seront modernisées. Étendu sur 15 ans, le MPGP garantit des résultats concrets pour suivre et maintenir les performances de ce nouveau parc d'éclairage. La collectivité inscrit cette action dans une démarche de développement durable intégrant réduction de l'empreinte carbone, recyclage des équipements et protection de la biodiversité avec la mise en place d'une trame noire. Ces travaux ont reçu des subventions de l'État, fonds verts et dotations de soutien à l'investissement local en 2023 et 2024. Circulation, le nouveau plan de circulation adopté. Après une phase d'expérimentation de plusieurs mois et un résultat positif, la ville a décidé de rendre définitif le nouveau plan de circulation organisé autour de la place de l'Hôtel de Ville. Objectif : fluidifier la circulation, réduire les nuisances et sécuriser les parcs pour les piétons et les cyclistes sur la place. Les modifications majeures de ce nouveau plan sont désormais adoptées. Les bus contourneront la place de l'Hôtel de Ville en passant par la rue de Jaubert dans une voie réservée, partagée avec les cyclistes. Les automobilistes venant de l'avenue d'Arche qui souhaitent aller vers le quartier du Teux devront emprunter la rue de Jaubert. Les automobilistes venant du Teux passeront, eux, par la place de la préfecture. Aménagement. Transformation de la cour de l'école Jules Verne. La cour de l'école maternelle Jules Verne a été complètement transformée durant l'été. Un investissement important de la ville pour mieux accueillir les élèves. En 2023, l'école maternelle Calmette a intégré les locaux de l'école Jules Verne. Avec cette fusion, de nouveaux usages des espaces sont apparus, comme l'utilisation par les élèves de l'école maternelle de la cour secondaire. Aussi, l'équipe enseignante et les services municipaux ont imaginé une rénovation globale pour la rentrée 2024 avec la création d'un espace moderne et durable. La cour, autrefois entièrement minérale, est désormais équipée de matériaux drainants, réduisant les risques d'inondation et favorisant l'écoulement naturel des eaux. Un jardin pédagogique, des arbres fruitiers et deux nouveaux arbres complètent cet espace vert. Côté jeu, l'école innove avec un sol amortissant en copeaux de bois de résineux, écologique et performant. Avec un budget total de 240 935 euros, dont 46 182 financés par l'agence de l'eau, ces aménagements offrent aux élèves un cadre adapté et durable pour apprendre et jouer. Réseau de chaleur, une nouvelle chaufferie ultra performante. Visite guidée de la nouvelle chaufferie aménagée à la Havetière, destinée à alimenter le réseau de chaleur Carolo-Massérien. Écologique et efficace. Les travaux d'extension du réseau de chaleur de notre ville touchent à leur fin. Pour rappel, il s'agit de relier à terme l'ensemble des bâtiments publics locaux, centres aquatiques, médiathèques, musées, mairies, gendarmeries, écoles, collèges, lycées, habitats collectifs, bâtiments municipaux, copropriétés, entreprises ou particuliers qui le souhaitent à une source d'énergie 100% locale et renouvelable, donc dissociée des énergies fossiles et des fluctuations de leurs coûts. Ce nouveau chauffage urbain, qui s'étend donc aujourd'hui à l'ensemble de Charleville-Mézières, va en effet être alimenté en chaleur à partir de 3 sources principales. Les calories récupérées à la sortie des fours de la fonderie Stellantis, ex-PSA, aux Ayvelles. Du gaz vert produit par les méthaniseurs ardennais, la chaleur fournie par des chaufferies alimentées avec des plaquettes forestières de 100 km à la ronde. L'une des phases les plus cruciales de ce chantier se déroule depuis mars dernier. Il s'agit de la construction d'une chaufferie située à la Havetière, sur la droite, lorsqu'on quitte la ville. Ce bâtiment, d'une surface proche de 1 700 m², est destiné à abriter deux chaudières à bois énergie, conçues et réglées pour correspondre au plus près aux caractéristiques du bois ardennais. Une petite qui développe une puissance de 4 MW et sa grande sœur qui en produira le double, l'allumage étant prévu en mars prochain. Le site en question comprendra une toiture végétalisée de 600 m², un bassin de récupération des eaux pluviales d'une capacité de 100 m³, près de 1 500 m² de panneaux solaires et de deux cuves de stockage d'énergie d'une capacité totale de 150 m³. Ces murs seront en grande partie recouverts d'un bardage bois et la parcelle qui l'accueille bénéficiera d'un programme de plantation d'arbres. Les plaquettes forestières utilisées répondront à plusieurs caractéristiques. En premier lieu, le bois en question provenant de moins de 100 km à la ronde. Ces plaquettes sont essentiellement constituées lors du déchiquetage et du broyage du bois lors de travaux d'entretien forestier. Ces sous-produits sont alors valorisés pour devenir une énergie verte, locale et renouvelable. Celle s'échappant de la cheminée unique équipant les deux chaudières sera préalablement épurée par un double système de filtration particulièrement performant. En outre, les plaquettes de bois destinées à être brûlées devront présenter pâte blanche. Pas question d'utiliser du bois recyclé, souillé, traité ou présentant des résidus de plastique. Résultat, la composition de la fumée de cette nouvelle chaufferie, régulièrement analysée, sera constamment en dessous des normes en vigueur. Aux petits soins pour notre écrin de nature. La ville et le parc naturel régional des Ardennes ont récemment procédé à des opérations de gestion au sein de la réserve naturelle de la côte de Bois-en-Val, située sur le plateau de Berthaucourt. Mise en place de panneaux pédagogiques, pose de clôture, bornage du site et travaux d'entretien, fauche, débroussaillage. Coût de l'opération, 50 835 €, subventionné par la région Grand Est à raison de 7 050 € et l'Union européenne via le FEDER, Fonds européen de développement régional, à hauteur de 16 368 € et 35 centimes. Devenez une famille internationale. L'association AFS Vivre sans frontières œuvre toute l'année au rapprochement des cultures à travers des programmes de mobilité internationale et des échanges éducatifs de longue durée. Vous souhaitez vivre cette expérience enrichissante? Rejoignez le réseau. L'association recherche des familles d'accueil qui souhaiteraient accueillir pour 2, 3, 5 ou 10 mois un jeune lycéen venant d'un autre pays. Une expérience de vie inoubliable qui permet de tisser des liens durables par-delà les frontières. Plus d'informations en écrivant à linda.mathieu@afs.org ou sur le site internet www.afs.fr. Solidarité. Des chèques cadeaux pour les seniors Carolo. À l'approche des fêtes de fin d'année, il est important de se rappeler que Noël est un moment de partage, de solidarité et de bienveillance. Pour la première fois, la ville offre aux seniors carolomassériens des chèques cadeaux d'un montant total de 20 €. Ces chèques cadeaux vont permettre aux seniors de Charleville-Mézières de profiter des produits et services des vitrines de Charleville-Mézières et de soutenir le commerce de proximité. Cette opération est ouverte à tous les seniors âgés de 65 ans et plus, sans condition de ressources, résidant à Charleville-Mézières et qui ne bénéficient pas déjà d'une prestation du CCAS dédiée aux seniors. Colis de Noël ou chèque cadeau attribué sous condition de ressources. Les seniors carolomassériens pourront récupérer leur chèque cadeau sur présentation d'une pièce d'identité justifiant une domiciliation à Charleville-Mézières, à la place du Cal, salle éthiopienne, les samedis 7 décembre de 9h à 13h, 14 décembre de 14h à 18h et 28 décembre de 9h à 13h. Et à l'hôtel de ville de Mézières, le samedi 21 décembre, de 9h à 13h. De quoi garnir la hotte du Père Noël ou tout simplement se faire plaisir. Joyeux Noël à tous! Plus d'informations au 03 24 32 45 00. Finances municipales. Budget. La ville maintient le cap. Conserver de vraies capacités d'investissement sans augmenter les impôts ni toucher à la qualité du service public, challenge relevé pour le débat d'orientation budgétaire de la ville. La préparation du budget 2025 a été l'occasion de réaffirmer 4 priorités. On n'augmente pas la part communale des impôts locaux. On évite tout surendettement. on ne touche pas à la qualité des services rendus au public, on s'assure de maintenir une réelle capacité d'investissement. Compte tenu des actuelles incertitudes financières, parvenir à satisfaire ces quatre axes majeurs n'est pas chose aisée et c'est pourquoi les dépenses dites de fonctionnement sont examinées avec une grande rigueur. Ce qui se traduit entre autres par la maîtrise de la masse salariale, la désignation au sein des services de référence sobriété énergétique, la réduction du parc automobile ou la meilleure rationalisation des achats. Résultat, la ville parvient à dégager des capacités d'investissement qui vont lui permettre de mener à bien un certain nombre de chantiers porteurs. Le tout sans rogner sur les subventions aux associations ou sur le budget participatif. Équipement sportif. Est prévue la rénovation d'un terrain synthétique de football à la Varenne, la poursuite de la rénovation du COSEC des Mésanges et du terrain Salengro, et le renforcement des fondations du gymnase Maryse-Bastier. Tranquillité publique, des efforts seront maintenus en matière de vidéoprotection, tout particulièrement aux abords des écoles, collèges et lycées, et un renforcement de la surveillance aura lieu près des cimetières. Crèches et écoles sont prévus des travaux d'installation de la crèche des Marmousets à l'école Mozart, la poursuite du programme Cours Résiliente, l'agrandissement du restaurant scolaire des Ébions, des travaux de rénovation dans de nombreux établissements, rideaux, cours, toitures. Voiries et espaces publics sont prévus la poursuite de la piétonnisation du secteur Place Ducale avec la rue du Petit Bois, la continuation de l'aménagement de voies cyclables dans le cadre notamment du schéma des mobilités, seconde tranche rue Brassens, la fin de la réhabilitation de la passerelle Bayard, la réfection de la toiture de l'hôtel de ville, la restauration de la basilique de Mézières et du chauffage de l'église Saint-Rémy. Enfin, la poursuite des travaux sur le pont de Montjoly dans le sens Charleville-Sedan. Et pour la transition énergétique, sont prévues la poursuite du chantier visant à rénover l'éclairage public, avec à la clé 80% d'économie, la continuation du plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Vie citoyenne, budget participatif, on vote. Après une phase d'étude réalisée par les services de la ville, les habitants votent actuellement pour les projets proposés dans le cadre de l'édition 2024 du budget participatif. Objectif, améliorer la vie des Carolo-Massériens. Au total, plus de 130 projets ont été reçus par le service démocratie participative. Certaines propositions ont été remises dans le circuit Allo Travaux pour bénéficier du traitement habituel des demandes. Les autres propositions ont été étudiées selon les critères suivants. Faisabilité technique, cohérence avec la politique municipale et respect de l'enveloppe budgétaire. Suite à cette phase d'étude, une quarantaine de projets restent en lice et depuis le 16 novembre, ils sont soumis au vote des Carolo-Massériens. Vous pouvez voter en ligne ou par SMS via la plateforme disponible sur https://budget-participatif.charlevillemézières.fr jusqu'au 14 décembre pour vos trois projets préférés. Il sera également possible de voter en présentiel samedi 14 décembre de 8h30 à midi à l'hôtel de ville de Mézières. Le vote est ouvert à tous les Carolo-Massériens âgés de plus de 16 ans. Une enveloppe totale de 250 000 euros sera allouée pour la réalisation des projets qui auront retenu le plus de suffrages. Voici les projets proposés au vote. Secteur 1, secteur Manchester, la décoration du rond-point route de Varc. La création de jardins potagers au pied des immeubles. La mise en place d'animations et création d'un point de rencontre. À la Varenne, création d'un espace de détente. Installation d'une table de tennis de table. Installation d'un deuxième barbecue. Création d'un parcours de santé. Secteur 2. Récupération de l'eau pour les jardins familiaux de la Houillère. Poursuite de l'aménagement de la rue Bourquelot. Aménagement d'un parcours bucolique ou sportif. Création d'un espace bien-être à l'école Mozart, plantation d'arbres au cimetière Bouté, création d'une aire de jeu à la culbute. Secteur 3, l'implantation de bancs pour les seniors, le rafraîchissement de la statue d'Albert Ier, l'aménagement de la promenade de Dulmen et de la plateforme en contrebas, aménagement de la voie verte entre la passerelle Bayard et le lycée Scammaroni, la végétalisation et l'animation de la place de l'hôtel de ville, le fleurissement et l'aménagement du carrefour de l'Alhambra, la réalisation d'une fresque à l'école de la Citadelle et l'installation d'un sapin de Noël place de la Basilique. Secteur 4, installation de signalétique pédagogique parc Pirquin, installation de cendrier pédagogique, installation d'un abri de roues école Castris, fleurissement de la place Churchill, installation de sculptures dans les parcs Pirquin et Cardot, rénovation de l'escalier entre la rue Gailly et Fonds de Santé, ouverture d'une galerie d'exposition, cheminement plein air au jardin partagé des Paquis, embellissement du pont des Deux Villes, installation de tables et bancs, secteur Delvincourt. Et pour le secteur 5, l'implantation de bancs dans le secteur de Mouhon, notamment le long de la voie verte, le réaménagement des jardins partagés du Bois Fortan, l'aménagement de la route de Prix. Et concernant tous les secteurs, la création d'un clip vidéo promotionnel, la mise en place d'ateliers de prévention routière pour les seniors, l'implantation d'un parc à chiens, l'organisation d'un forum des associations, l'installation de cendriers pédagogiques, l'installation de ruches au parc animalier, un radar à jogger pour lutter contre la sédentarité. Plus d'informations au 03 24 32 41 91. 5. Les rendez-vous à ne pas manquer. Cérémonie. Retenez la date, dimanche 5 janvier, tous les carolo-masseriens ont rendez-vous place de l'Hôtel de Ville à Mézières pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Les vœux du maire, c'est à Mézières. Cette rime riche d'actualité depuis 2014 va s'enrichir d'une nouvelle ligne le dimanche 5 janvier 2025. C'est en effet sur la place de l'Hôtel de Ville, définitivement débarrassée de toute circulation autre que celle des vélos et trottinettes, que le maire présentera ses vœux à la population carolo-massérienne. Cette cérémonie, attendue par nombre d'habitants de notre ville, se tiendra sous un chapiteau géant dressé sur place. Ainsi, à l'abri des éventuelles intempéries, tous les participants pourront passer dès 15h un après-midi riche de rencontres et de moments conviviaux. Remise de médailles. Entouré des autres élus municipaux, le maire prendra place sur l'estrade et face au micro pour quelques mots d'accueil avant de céder la place à la diffusion sur grand écran d'une vidéo réalisée spécialement à l'occasion de cette cérémonie. Suivra la prise de parole du maire durant laquelle il dévoilera les grandes lignes de l'action municipale pour l'année 2025. Comme chaque année, Boris Ravignon aura également le plaisir de remettre la médaille de la ville à un certain nombre de personnes. Hommes ou femmes, ardennaises ou pas, mais qui toutes auront au cours des 12 mois écoulés contribué par leurs actions à l'essor de notre ville. À l'issue de cette dernière séquence viendra alors le moment d'échange apprécié et attendu par tous les participants, toujours sous le chapiteau. Dans une ambiance musicale, une boisson chaude dans une main et dans l'autre une part de tarte à sucre, tous ceux qui le souhaiteront pourront discuter en toute liberté avec les nombreux élus présents sur place. Des échanges au cours duquel vous pourrez aborder les sujets de votre choix avec le maire, l'adjoint ou l'élu plus spécifiquement en charge de la compétence liée au dossier qui vous tient à cœur. Voilà pour le principal côté organisation. Pour le reste, l'équipe municipale vous fait totalement confiance. Outre les permanences hebdomadaires assurées chaque vendredi par le maire, ces quelques heures permettront une nouvelle fois à celles et ceux qui le souhaitent de dialoguer en totale liberté avec l'élu de leur choix. Alors rendez-vous le 5 janvier à Mézières. Les vœux en direct. Pour celles et ceux qui ne pourraient se déplacer, la cérémonie de vœux sera retransmise en direct et en intégralité sur notre site internet www.charleville-du-6-mézières.fr ainsi que sur notre page Facebook officielle Ville de Charleville-Mézières. Concert. Le club Razorback débarque au Forum. Le vendredi 20 décembre, le Forum vous promet une ambiance survoltée avec une nouvelle édition du club Razorback pour les amateurs de sensations fortes. Une soirée à Charleville-Mézières pour retrouver l'ambiance électrique et éclectique de la scène mythique du cabaret vert, c'est l'esprit Razorback. Cabaret vert et sapristi s'associent à nouveau pour vous propulser au cœur de toutes les énergies rock avec trois groupes qui viendront secouer le public carolo. Rendez-vous Punk Rock France. Le groupe est de retour après 6 ans d'absence avec leur dernier album Downcast, plus proche des Californiens de Deftones et des Smashing Pumpkins que du son cold des débuts. Ce deuxième opus à l'orientation musicale déconcertante n'a pas fini d'étonner et de convaincre. Les Parisiens de Rendez-vous sont l'incarnation d'un punk rock moderne et frais qui démontre qu'ils ne sont jamais là où on les attend. Beat It Anita Noise Belgique. Le forum va vibrer au son du noise rock 90s Beat It Anita. Les Liégeois viennent défendre leur quatrième album Mouche, sorti en début d'année, une bombe sonore qui montre que les Belges n'ont pas abandonné leur envie d'envoyer leur noise péchu et des riffs qui tabassent. June Rock Metal France. Le Cabaret Vert est très heureux d'accueillir à nouveau les Ardennais June. C'est du rock, du métal, un chant mélodique, des cris et des chœurs polyphoniques, des synthés tranchants et des samples hypnotiques. Les compositions du groupe naviguent entre des passages mélodiques et atmosphériques, ponctués par des riffs de guitare incisifs et des solos virtuoses. Les paroles, souvent inspirées par des expériences personnelles, reflètent une profondeur émotionnelle et une sincérité touchante. C'est donc un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique alternative avec des billets à partir de 17€. Ouverture des portes à 20h30. La soirée sédanaise aura lieu le 21 décembre à la MJC Calonne avec Orsk, Karas et Hellscape. Les places sont disponibles en ligne sur cabaretvert.com et passeculture.app. Les points de vente locaux sont le Verbloc, la Plaque Tournante et la librairie Rimbaud. Le forum, 18 avenue Jean Jaurès. Nouvelles des musées. Atelier linogravure à la Maison des Ailleurs. En lien avec l'exposition « Il est un autre », portrait d'Arthur Rimbaud, le service des publics des musées vous propose une initiation gratuite à la linogravure avec l'illustratrice Noémie Mathieu, samedi 7 et mercredi 11 décembre de 14h à 16h. Après une découverte des différentes techniques de gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois, au burin, sur cuivre, utilisées par les artistes pour croquer leur portrait d'Arthur Rimbaud, Noémie Mathieu vous initiera à cette technique de gravure en relief qui se pratique sur une plaque de linoléum et à l'impression sur papier. Laissez-vous inspirer par les œuvres découvertes dans l'exposition pour donner libre cours à votre imagination et créer votre carte personnalisée grâce à la linogravure. C'est un atelier adulte et enfant à partir de 10 ans. L'inscription se fait au 03 24 32 44 70. Vie commerçante, quand marché rime avec festivité. Quel plaisir de flâner dans les allées des marchés Carolo, tour d'horizon des marchés de décembre. Qui ne rêve pas de sentir ses cinq sens émerveillés à l'approche de Noël ? C'est dans un esprit de partage et de transmission des traditions que le marché des gourmandises s'invite à nouveau au marché couvert le dimanche 8 décembre de 9h à 18h. L'occasion idéale de terminer ses emplettes avant les festivités avec des huîtres, chocolat, bijoux, thé et objets cadeaux. Savon, panier, n'hésitez pas à mettre les pieds au milieu d'un marché festif en famille et entre amis et vous promener au gré d'une ambiance musicale chaleureuse assurée par Sam Play. Les marchés de décembre à ne pas manquer. Les amoureux des petites trouvailles et originalités artisanales pourront retrouver sous le chapiteau du marché de Noël un marché artisanal tous les week-ends jusqu'au 22 décembre, sauf les 7 et 8 décembre, ainsi que le lundi 23 décembre. Le samedi 7 décembre, le marché artisanal de l'association Les Petites Bulles de Créateurs prendra place sous le chapiteau et vous donnera rendez-vous de 13h à 20h pour découvrir des créations comme des bijoux, savons, poteries, décorations, textiles ou encore confitures. Tandis que le dimanche 8 décembre, c'est le marché artisanal spécial Parc Naturel Régional des Ardennes et l'atelier bricolage Fabrique ton petit renne et ton sapin de Noël qui s'y installeront. Les rendez-vous réguliers dans votre ville. Place Beauchard à la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h. Au marché couvert rue du Daga, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h. Place de l'Hôtel de Ville, les mercredis de 8h à 13h. Place de Mohon, les vendredis de 8h à 13h. Les marchés des producteurs de pays. Place du Cal, vendredi 13 décembre de 15h à 19h. Et place de l'Hôtel de Ville, vendredi 20 décembre de 15h à 19h. CCAS, la magie des fêtes arrive à grands pas. Comme tous les ans, les équipes du CCAS s'activent pour préparer Noël et offrir une pause festive aux carolomassériens. Le Noël des enfants, ouvert aux familles sous conditions de ressources, se déroulera cette année le mercredi 11 décembre à partir de 14h au Parc des Expositions. Au programme, spectacle de magie, goûter, borne à photo, présence du Père Noël qui offrira des bonbons aux enfants sages, sans oublier évidemment la remise de cadeaux pour les petits, 0 à 10 ans, et de chèques cadeaux pour les plus grands, 11 à 14 ans. Une journée remplie de joie et de partage qui offrira aux enfants et à leurs parents des souvenirs inoubliables. Mais pour les seniors alors ? En cette fin d'année, le CCAS pense également à nos aînés en proposant plusieurs événements festifs aux seniors préalablement inscrits. La distribution des colis de Noël se déroulera les mardis 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre. Pendant ces 3 jours, les seniors seront invités à venir retirer leur panier garni composé de produits locaux ainsi que leur chèque cadeau à la salle Nevers de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Samedi 14 décembre, les seniors sont invités à participer au traditionnel repas dansant de Noël au parc des expositions. Après un repas festif préparé par la cuisine centrale, les participants profiteront d'un spectacle cabaret et d'une après-midi dansante. Un service de transport aller-retour sera proposé pour faciliter les déplacements. Enfin, mercredi 18 décembre, les adhérents des clubs seniors du CCAS pourront profiter d'un déjeuner de Noël festif et coloré, préparé comme chaque année par la cuisine centrale, supplément de 2 euros. Plus d'informations au 03 24 32 45 00. Les ateliers numériques du CCAS. Vous souhaitez réaliser des démarches en ligne, vous familiariser avec l'outil informatique, réussir votre recherche d'emploi ou encore vous divertir sur Internet? Savez-vous que le CCAS propose des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous? Zoom sur le planning du mois de décembre. Mardi 3 à 9h30, parcours du fichier, la théorie. Enregistrer un fichier, espace de stockage. Mercredi 4 à 9h30, achetez en toute tranquillité sur Internet. Vendredi 6 à 9h30, trouvez des bons plans sur Internet. Vendredi 6 et 20 à 14h, permanence pour le numérique au Club Senior de Manchester. Mardi 10 à 10h, atelier de réalité virtuelle médiathèque voyelle. Jeudi 12 à 9h30, prendre en main sa boîte mail. Mardi 17 à 9h30, parcours du fichier, la pratique. Mercredi 18 à 9h30, se déplacer avec Internet. Et jeudi 19 à 9h30, Canva. La durée des ateliers est de 2 heures sur inscription. Vous aurez plus d'informations au 03 68 89 04 86 ou 03 10 23 02 54. 6. Info pratique. Rencontre. Les permanences du maire. Le maire Boris Ravignon vous reçoit lors de sa permanence chaque vendredi de 7h à 13h en mairie Place du Cal. Les rendez-vous doivent être pris au préalable par téléphone au 03 24 32 40 46 ou au 03 24 32 40 22 du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h ou par courriel à permanence@mairie-charleville-mézières.fr. N'hésitez pas à venir échanger avec lui, exprimer vos préoccupations ou simplement partager vos idées. Maintenance, l'horloge fleurie sur pause. L'horloge fleurie du Mont Olympe bénéficie d'une cure de jouvence. Démontée début novembre, les aiguilles de ce patrimoine carolo-massarien sont actuellement remises en état et repeintes dans nos ateliers municipaux. Ces dernières seront remontées au printemps prochain par une société spécialisée qui se chargera également de toute la programmation nécessaire suite à l'arrêt du mécanisme. Amoureux du Mont Olympe et promeneur de passage, pas de panique donc. L'horloge vous redonnera l'heure très bientôt. Préparez-vous pour l'hiver. Comme chaque année, les services de la ville mettent en place une distribution gratuite de sel pour aider au déneigement. Vous pourrez récupérer 5 kg par foyer du lundi 2 au samedi 7 décembre 2024 et du lundi 6 au samedi 11 janvier 2025, entre 10h et 14h, aux 3 rues de l'Industrie. Munissez-vous d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et, si possible, d'un seau pour réduire l'usage de sacs plastiques. Une livraison à domicile est prévue, aux mêmes dates, pour les personnes de plus de 75 ans ou à mobilité réduite, sur justificatif. Contactez le 03 24 32 40 90 pour en bénéficier. En cas de forte chute de neige, une distribution supplémentaire pourra être organisée. Enfin, notez qu'il suffit de seulement 10 à 30 g de sel par mètre carré pour un déneigement efficace. Je trie même pendant les fêtes. Dans la poubelle emballage et papier, je peux jeter des couvercles en métal, des bouchons en métal, des capsules et muselets en métal et du papier cadeau qui se déchire. Pas besoin de les laver, il suffit qu'ils soient bien vidés. Dans la poubelle emballage en verre, je peux jeter des bouteilles en verre, des pots, bocaux, flacons en verre, des déodorants et des flacons de cosmétiques, parfums, huiles essentielles, etc. Pas besoin de les laver, il suffit qu'ils soient bien vidés. Les interdits se trient aussi. Les bouchons en liège, la vaisselle cassée vont à la déchetterie. Les capsules et couvercles vont en collecte sélective. En déchetterie, je dépose par exemple les grands cartons et les guirlandes électriques qui ne fonctionnent plus. Les filets de sapin vont, eux, aux ordures ménagères. Si vous avez le moindre doute ou une question, contactez valodea.fr. 7. Agenda. Assemblée des habitants. Réunion publique du secteur 4, mardi 3 décembre à 18h30, à la mairie Place du Cal. Présentation des projets sélectionnés pour le secteur 4, parole aux habitants, Charleville-Centre, Nevers, Place du Cal, Moncy-Saint-Pierre, Mont-Olympe. Réunion publique du secteur 5, jeudi 12 décembre à 18h30, salle du Bedou. Présentation des membres de l'ADH5. Discussion autour des projets futurs. La Ronde Couture, La Croisette, Mohon, Boisfortan, Les Granges Moulues et Couronne Champagne. Lire en botte, lecture et contes de Noël jusqu'au mardi 24 décembre dans le quota du marché de Noël Place du Cal. Animation gratuite, art-thérapie, écriture à la plume, balle à jojo et lecture de contes. Concert de Noël. Entrez dans la magie des fêtes dès le samedi 7 décembre avec le concert de Noël proposé par le service Action culturelle et relations internationales à 16h au théâtre. Quoi de mieux pour célébrer Noël qu'un bel air de gospel? Pour le traditionnel concert de Noël, une dizaine d'artistes professionnels venus des quatre coins du monde vous offriront des moments surprenants et magiques. Une orchestration de cuivre détonnante et une rythmique entraînante mêlant piano et saxophone. Au programme, du gospel traditionnel, du gospel urbain et évidemment des chants de Noël qui apporteront intensité et complicité avec le public. Entrée à 8€ dans la limite des places disponibles, placement non numéroté soumis aux consignes du personnel d'accueil. Billetterie à compter du mercredi 4 décembre à partir de 13h30 au guichet du TCM ou en ligne sur www.charleville-mézières.fr via les démarches en ligne. Vous pouvez aussi joindre le 03 24 32 44 40 ou culture@mairie-charleville-mézières.fr. Bibliothèque Porte Neuve. Lire avec son bébé, mercredi 4 décembre à 9h30, de la naissance à 3 ans. Chant prénatal, respiration et détente, jeudi 5 décembre à 17h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois, naissance. Baby Yoga, samedi 7 décembre à 10h30 et 11h30, de 3 à 18 mois. Signe avec bébé, vendredi 13 décembre à 9h15, de la naissance à 3 ans. Éveil musical, samedi 14 décembre à 10h30 et 11h45, de 3 mois à 3 ans. Chant prénatal, respiration et détente, le mardi 10 décembre à 9h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance. Art thérapie, mardi 17 décembre à 9h30, pour les parents. Point lecture pour tous de Manchester. Motricité libre, vendredi 6 décembre à 9h15, de la naissance à 3 ans. Chant prénatal, respiration et détente, mardi 10 décembre à 9h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance. Massage pour bébé, mardi 10 décembre à 15h, de la naissance à 12 mois. Lecture musicale, mot-note, vendredi 13 décembre à 10h, de la naissance à 3 ans. Compte en tissu, mardi 17 décembre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Pour finir, bébé gym, vendredi 20 décembre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Pour plus d'informations et pour les réservations, il faudra joindre le 03 24 32 44 96 ou 1000pj@mairiecharlevillemezieres.fr. Attention, les places sont limitées. TCM, basketteuse de Bamako, mercredi 4 décembre à 20h, cirque compagnie Thomas Guérino, complet. Bakeke, mercredi 11 décembre à 17h30, cirque compagnie Fabrizio Rosselli, êtes-vous prêt à faire le grand saut? Bakeke signifie saut en hawaïen. Ici, cet objet universel connu et utilisé par la plupart des pays et des cultures du monde est détourné de sa fonction principale par un jeu clownesque. Lorsque l'imprévu surgit, les sauts deviennent des objets à jouer et à inventer, ouvrant la porte d'un monde onirique rempli d'humour facétieux. Dans ce spectacle sans parole, un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques à travers la manipulation de sauts verts en plastique. obstiné face à l'impossible, cet être aussi lunaire que virtuose, nous offre une vision ludique et absurde de son obsession. À voir en famille et réservé aux enfants de plus de 6 ans. Géométrie variable, mardi 17 décembre à 20h, magie, mentalisme, compagnie du pharaon. Entre illusion et vérité, saurez-vous faire la différence? Après avoir présenté Cérébro au TCM dans sa nouvelle création, Mathieu Villatel nous invite à nous questionner sur le vrai du faux. Il utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numérique, tous experts dans la manipulation de notre attention. Autour d'expériences magiques bousculant au passage notre rapport à la vérité, il sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre. Avec ce nouveau projet, la compagnie du pharaon questionne ce qui fonde la véracité d'une information. À voir en famille, réservé aux enfants de plus de 10 ans. Le Rainbow City Trail est de retour. Le trail urbain Carolo, organisé par l'Athletic Club Bel Air, revient le samedi 18 janvier 2025. À 16h30, c'est la rando Rainbow qui partira de la place du château pour un parcours de 7 km de place en place. À 18h, départ du Rainbow City Trail de la place de l'Hôtel de Ville. Au programme, 16 km de parcours et 250 mètres de dénivelé positif pour partir à la découverte du patrimoine Carolo. Plus d'informations sur ledossard.com. Noël en Ardennes, programme. Spectacle Le Duel Enchanté par les studios 161 sur la scène Place du Cal de 17h30 à 17h50 les mercredis, sauf le 18 décembre, et les samedis jusqu'au 21 décembre, plus le lundi 23 décembre. Spectacle de marionnettes, le théâtre à Denis sur la place du Cal, de 14h à 19h, tous les mercredis, samedis et dimanches. Et le marché artisanal, le refuge des Newtons, tous les week-ends jusqu'au 22 décembre et le lundi 23 décembre. Spécial Petite Bulle de Créateurs, le 7 décembre et PNR, le 8 décembre. Le marché est ouvert du dimanche au jeudi de 13h à 20h et les vendredis et samedis de 13h à 22h. Et maintenant, voici le programme détaillé. Mardi 3 décembre de 18h à 18h45, le refuge des Newtons, chorale La Chanterelle de Vivier au cours. Mercredi 4 décembre, vous retrouverez de 15h à 17h la Hutte des Lutins, rencontre féerique, conte, kamishibai et bulle par Marine Dobby. Et de 15h à 17h, le refuge des Newtons, atelier créatif par les commerçants de métiers d'art. Puis de 18h à 18h45, un spectacle de patinage artistique par le CMSG Patinage Artistique. Le vendredi 6 décembre, à partir de 18h30, le refuge des Newtons, vous aurez des animations de la Saint-Hubert avec une dégustation de viande de gibier organisée par la Fédération départementale des chasseurs des Ardennes. À 18h45, sur scène, un concert de trompe de chasse, Les Échos du Cervao. Le samedi 7 décembre, de 13h à 20h, vous trouverez au Refuge des Newtons le marché artisanal spécial Petite Bulle de Créateur, et de 14h à 16h, dans les rues piétonnes, aura lieu une déambulation de Saint-Nicolas. Dimanche 8 décembre, de 9h à 18h, vous retrouverez au marché couvert le marché des gourmandises, de 13h à 20h, au Refuge des Newtons, le marché artisanal spécial Parc Naturel Régional des Ardennes et un atelier bricolage Fabrique ton petit renne et ton sapin de Noël. De 15h à 16h à la Hutte des Lutins, une initiation au ballon sculpté avec Maureen Dobby et de 15h à 17h Place du Cal, un concert déambulatoire Dixie Boy Band. Le mercredi 11 décembre, de 15h à 16h, au Refuge des Newtons, une chorale philharmonique crescendo. De 15h à 17h au Refuge des Newtons, atelier créatif par les commerçants de métiers d'art, et de 15h à 17h à la Hutte des Lutins, des contes de Noël, école Ludus. Vendredi 13 décembre, à partir de 17h, au Refuge des Newtons, un atelier culinaire et d'art de la table, apprendre à cuisiner son repas, à dresser une jolie table et à confectionner un cocktail de Noël, et dégustation avec le lycée des métiers de Bazeille. Samedi 14 décembre, de 15h à 17h à la Hutte des Lutins, des contes de Noël, Victor Jadin. De 13h30 à 14h30 sur la scène, concert orchestre harmonique de Charleville-Mézières. Et de 14h à 19h, place du Cal, photomaton de Noël, la petite caravane dans la prairie. Mercredi 18 décembre, de 15h à 17h, au Refuge des Newtons, atelier créatif par les commerçants de métiers d'art. de 17h à 18h, rue de la République et Place du Cal, c'est l'arrivée du Père Noël avec la parade de Noël, réalisée par les studios MZ. Puis de 18h à 19h30, vous pourrez retrouver le Père Noël et la lutine dans la hutte des lutins. Le jeudi 19 décembre, de 17h à 19h30, dans la hutte des lutins, présence du Père Noël et de la lutine. Le vendredi 20 décembre, ils seront aussi présents de 17h à 19h30. Puis vous aurez de 19h15 à 20h au refuge des Nutons la chorale Les Amis de Solichor, puis de 20h15 à 21h45 un concert de Airben. Le samedi 21 décembre, de 15h à 19h30, le Père Noël et la lutine seront toujours présents à la hutte, puis de 14h à 19h place du Cal, vous retrouverez le photomaton de Noël. De 18h15 à 18h45, un spectacle de patinage artistique par le CMSG Patinage Artistique. Et à 20h30, à ne pas rater, départ rue Noël de la Corrida. Puis le dimanche 22 décembre, toujours dans la hutte des lutins, de 15h à 19h30, la présence du Père Noël et de la lutine. De 14h à 19h, place du Cal, le photomaton de Noël. Et de 15h à 18h, sur cette même place, la déambulation de magiciens avec Magic Carnival. Le lundi 23 décembre, le Père Noël sera toujours présent à la hutte des lutins de 15h à 19h30. Par contre, le mardi 24 décembre, il ne sera présent que de 15h à 17h. Le mercredi 25 décembre, le marché de Noël sera fermé. Pour mieux le retrouver le jeudi 26 décembre, de 15h à 18h, vous aurez des ateliers et initiations de danse menés par l'Académie de danse Élodie Tansky au refuge des Nutons. Puis de 14h à 18h dans la hutte des lutins, des jeux de société en libre service. Le vendredi 27 décembre de 14h à 18h, vous retrouverez encore les jeux de société en libre service, puis de 18h à 20h au refuge des Nutons, le concert Easy Swing. Le samedi 28 décembre, à la hutte des lutins de 15h à 17h, des contes de Noël par Victor Jadin, puis de 16h à 17h au Refuge des Nutons, un spectacle clownès, Jerry et Palto, par l'association Clown Cirque et Compagnie. Puis pour clôturer ce beau mois de décembre, le dimanche 29 décembre de 15h à 18h au Refuge des Nutons, vous retrouverez encore les ateliers et initiations danse de l'Académie de danse Élodie Tansky, et de 15h à 17h à la Hutte des Lutins, des contes ardennais par Cécile Menoncin. Agenda jusqu'au dimanche 29 décembre. Noël en Ardennes, marché de Noël de Charleville-Mézières, place du Cal, 46 chalets commerçants, artisans et spécialités gastronomiques locales. Jusqu'au samedi 7 décembre, vous pourrez retrouver Migre en scène, le festival de la Cimade, puis de 14h à 18h, Totem, une exposition de Blandine Titeux à la Galerie Caractère, du mardi au samedi. Jusqu'au 5 décembre, vous retrouverez de 10h à 19h une brocante à la Galerie Le Bon au profit du développement rural Cambodge pour un sourire d'enfant. Le mardi 3 décembre, le Grand 8, spectacle MCL Ma Bohème par Tartine Reverdy, entrée à 5€ et 4€ au-delà de 3 personnes. Le mercredi 4 décembre à 15h, vous retrouverez le spectacle Magic Christmas Show, 75 Forest Avenue, entrée à 12€, réservation sur 75forestavenue.com. Le mercredi 4 décembre, à 16h, il y a également un spectacle de marionnettes sur table au Forum, organisé par la compagnie Les Imaginoires. Le titre est « Y aura-t-il de la dinde à Noël ?» Il dure 40 minutes et est accessible dès 3 ans. Malheureusement, celui-ci est complet. Le mercredi 4 décembre à 18h, audition à la carte, patchwork musical présenté par les élèves de l'auditorium du conservatoire. L'entrée est gratuite sans réservation. Le jeudi 5 décembre à 10h30, il y aura une cérémonie d'hommage, une commémoration aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de la Tunisie et du Maroc au square du 91e régiment d'infanterie. Le samedi 7 décembre de 16h à 19h, photo avec le Père Noël, lecture, friperie, vente de vélos à la Maison du Vélo. L'entrée est libre, mais pour plus d'informations, contactez le 07 66 35 37 73. Le samedi 7 décembre à 14h, dimanche 8 décembre à 14h et 16h et le mercredi 11 décembre à 15h, retrouvez le Circus Christmas Show, un spectacle de Noël, 75 Forest Avenue. L'entrée est à 12€ et pour plus d'informations ou pour réserver, il faut contacter le 75forestavenue.com. Le samedi 7 décembre à 16h, concert de Noël Gospel. C'est un concert organisé par le TCM. Le dimanche 8 décembre à 9h, le marché des gourmandises au marché couvert. Dimanche 8 décembre à 10h, le marché de Noël de Manchester. C'est la 4e édition du marché de Noël de Manchester qui sera place de Manchester. Et le dimanche 8 décembre à 16h, orgue et orgue de Barbarie. C'est un concert de Noël à la basilique Notre-Dame d'Espérance par les organistes titulaires de l'orgue Koenig et Sébastien Cochard. La réservation se fait sur orguebasilique.fr. Le mercredi 11 décembre à 14h, c'est le Noël des enfants du CCAS qui a lieu au parc des expositions. Puis le vendredi 13 décembre de 15h à 19h, le marché des producteurs de pays Place Ducal. Puis le samedi 14 décembre à 8h30, un petit déjeuner équitable et une vente de produits de Noël est organisé par l'association ardennaise de promotion des handicapés, 3 rue Jean Moulin. L'entrée est à 6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants. Le samedi 14 décembre à 12h30, il y a le Noël des seniors avec le repas dansant au parc des expositions. Puis aussi à 14h, la pause musicale avec un concert de violon dans le hall du centre hospitalier de Manchester par la classe de violon du conservatoire Musique et Danse Ardennes Métropole. Le samedi 14 décembre à 14h30 et 16h30, il y aura une crèche vivante dans les rues du centre-ville et des représentations de théâtre de la troupe avant-scène avec des chants de Noël dans l'église Saint-Rémy. Le mardi 17 décembre à 19h30, vous retrouverez La Bella Estate de Laura Luchetti. C'est une projection au cinéma Métropolis qui est organisée par l'association Figli del Gonzaga, Enfants de Gonzague. Le mercredi 18 décembre à 17h30, vous pourrez retrouver le Café Deuil au Seven Café. C'est un lieu d'échange bienveillant pour parler de son deuil. L'entrée est libre. Cet événement est organisé par l'association Jalmalve. Le mercredi 18 décembre également, à 18h, vous aurez Audition à la carte. C'est un patchwork musical présenté par les élèves de l'auditorium du conservatoire. L'entrée est gratuite et sans réservation. Jeudi 19 décembre à 18h30, c'est le conseil municipal à l'hôtel de ville de Mézières. Il est disponible en live sur la page Facebook de la ville. À cette même date, à 20h, vous aurez 4 en 1, Mal de mer. C'est un spectacle organisé par le TCM. L'entrée est à 10€. La réservation se fait au 03 24 32 44 50. Ce spectacle est réalisé par l'école de théâtre Ludus. Le vendredi 20 décembre à 20h30, c'est Club Razorback avec tous les concerts au forum. L'entrée est à 17€ et la billetterie est cabaretvert.com ou passeculture.app. Sinon, vous pouvez vous rendre dans les points de vente locaux. Le samedi 21 décembre à 20h, vous aurez le loto de Noël de l'APM qui se situe au parc des expositions. L'entrée est à 1,50€ le carton, 15€ les 11 cartons. La réservation se fait au 03 24 32 42 14 ou 06 29 37 43 11. Le samedi 21 et le dimanche 22 décembre de 9h à midi et de 13h30 à 17h, un stage de théâtre est proposé par l'école Ludus. Vous aurez une rencontre avec Jean-Marie Fénerol au forum et le tarif est de 60€ pour un stage. La réservation se fait à partir du téléphone au 06 26 68 21 03. Puis le mardi 31 décembre à 19h, il sera temps de fêter la nouvelle année 2025 avec des festivités au parc des expositions. Vous pouvez réserver au 06 83 00 55 71 ou à l'adresse électronique suivante prestige 100s show sh ow08@hotmail.com. Le mardi 31 décembre à 20h, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les festivités auront lieu à la salle Arc-en-Ciel. Le tarif est de 95€ tout compris et la réservation se fait au 03 24 37 14 17 jusqu'au 14 décembre inclus. L'organisation est gérée par le Teux Loisirs Club. Agenda début janvier. Dimanche 5 janvier à 15h, les vœux du maire. Événement place de l'hôtel de ville. Le mardi 7 janvier à 19h30, Martin Luminet et Cali, un concert organisé par le TCM, l'entrée est entre 10€ et 26€. Puis le samedi 11 janvier à 20h30, les Guinolades, la suite, un spectacle MCL Ma Bohème, l'entrée est à 22€, la réservation se fait au 03 24 33 31 85 ou au 06 08 41 79 80 ou mcl.maboheme@orange.fr. 8. Sport. Basket. Déjà le début des matchs retour. La Nationale Masculine 1 est un championnat dense, physique et impitoyable. Nos joueurs s'en sont rapidement rendus compte avec une découverte de championnat très compliquée. Nous avons subi 5 défaites en autant de rencontres. Si bien que pour la 6e journée du championnat contre un leader havré invaincu, nous commencions déjà à devenir pessimistes. Pourtant, ce soir du samedi 12 octobre à la maison, devant son public, notre équipe a déjoué tous les pronostics en s'imposant d'un tout petit point, 89 à 88, face à l'invincible ogre normand qui n'aura pour l'heure chuté qu'en terre Carolo. Fort de cette prouesse, nos joueurs ont par la suite remonté la pente en enchaînant quelques victoires revenant dans cette course du maintien. Car il est bon de rappeler que nous faisons partie des promus cette saison, avec pour première ambition de rester dans ce championnat l'an prochain. Aussi, nous connaissons des rencontres âpres et disputées. Mais grâce au soutien d'un public de plus en plus présent à l'aréna, les joueurs sont galvanisés sur le terrain et désormais, venir s'imposer dans notre salle devient tâche ardue. Si bien qu'à l'aube des matchs retour de cette première phase, nous nous prêtons à croire sérieusement en nos chances de maintien assurées en allant chercher la 7e position au championnat. Nous sommes actuellement 10e sur 14. Nous espérons que vous continuerez à pousser de la voix pour soutenir votre équipe, car le chemin est loin d'être terminé. Les prochains matchs auront lieu à la Guinguette Arena à 20h, les vendredis 13 décembre 2024, contre Saint-Chamond, le mardi 14 janvier 2025 contre Orchy, le vendredi 17 janvier 2025 contre Lyonceau et le mardi 28 janvier 2025 contre Besançon. Cross, cross de la ville, tout le monde court. Dimanche 8 décembre, la plaine de la Varenne sera le théâtre de la 36e édition du cross de la ville. Comme chaque année, petits et grands s'affronteront sur des distances allant de 550 mètres à 8740 mètres selon les catégories. De l'école d'athlétisme, née de 2016 à 2018, à l'élite senior, master, née jusqu'en 2005, 11 départs de course filles et garçons seront donnés entre 11h et 14h15. Inscription possible jusqu'au jeudi 5 décembre. La compétition est ouverte aux licenciés et non licenciés. Alors, à vos baskets! Plus d'informations au 06 49 69 76 99 ou sur le site du comité 08 athlétisme comité08athletisme.athle.org. Course à pied, corrida de Noël. La corrida de Noël se déroulera samedi 21 décembre en plein centre-ville. Venez courir et vous amuser en famille ou entre amis. Cette traditionnelle et très attendue course déguisée se déroulera en 3 boucles pour un total de 7,6 km autour de la place du Cal. Le départ sera donné vers 20h30 rue Noël. La course est ouverte à tous, des cadets jusqu'au master. Les inscriptions sont possibles jusqu'à jeudi 19 décembre sur le site www.ledossard.com. Le retrait des dossards se fera le jour de la course de 17h à 20h au gymnase Sévillé. Plus d'informations au 06 76 05 28 76. Karaté des Carolos couronnés. Bravo aux combattants du Karaté Club de Charleville-Mézières qui ont brillé à l'occasion des championnats du monde Extreme Fighter Champion en novembre à Rome. Au palmarès, champion du monde kickboxing et K1, catégorie junior pour Nathan Grajezik-Hussner, champion du monde kickboxing et K1, catégorie senior pour Alexis de César, et vice-champion du monde kickboxing et boxe, catégorie master pour Olivier Husson. Félicitations à tous les trois. Agenda sportif. Basket féminin. Vendredi 6 décembre, à 20h, à la Guinguette Arena, FCBA reçoit Landerneau. Samedi 7 décembre, à 17h15, salle Bayard, le FCBA reçoit SIG de National 2. Dimanche 8 décembre, à 15h30, salle Bayard, FCBA reçoit Aulnois, U18 Élite France. Lundi 16 décembre, à midi, salle Bayard, FCBA reçoit Landerneau, championnat espoir. Et dimanche 22 décembre, à 15h15, à la Guinguette Arena, FCBA reçoit Lyon. Basket masculin. Vendredi 13 décembre, 20h, à la Guinguette Arena, l'Étoile reçoit Saint-Chamond, match de N1. Samedi 14 décembre, à 20h30, salle Dubois-Crancé, l'Étoile reçoit Reims-Champagne Basket, match de pré-national. Ultimate Frisbee. Les samedis 7 décembre et dimanche 8 décembre auront lieu toute la journée gymnase du campus Supardenne, les championnats de France Indoor N3 Open avec les Black Best. Futsal. Dimanche 8 décembre à 18h au gymnase campus Sud-Ardenne, Villers-Semeuse reçoit Metz APM, championnat du Grand Est. Et mercredi 11 décembre à 20h, salle Rouget de Lille, Le Teux reçoit ASFC 08, championnat des Ardennes. Hand, samedi 14 décembre au gymnase du campus Subardenne. À 19h, CMHB reçoit Aubrive, championnat U18 Marne-Ardenne. Et à 21h, CMHB reçoit Bazancourt, dans le cadre du championnat Marne-Ardenne féminin. Football. Samedi 7 décembre à 18h au stade du Petit Bois, OCPAM reçoit Dieppe, match de N3. Dimanche 15 décembre à 14h30, stade Roger Salengro, l'Entente sportive reçoit Val-de-Laine, match de R3. Enfin, premier derby pour l'OCPAM, le CSSA recevra samedi 7 décembre à 18h30 au stade du Gauguez, l'équipe B de l'OCPAM pour le compte du championnat régional 2. Un match très attendu dans la course à l'accession à la R1. 9. Un peu d'histoire. Les établissements d'Ille, article industriel à Charleville, 1889-1981. L'avenue Forest a une longue histoire commerciale. Nous avons déjà évoqué dans ces pages la saga des magasins réunis qui, sous différentes enseignes, a toujours été la locomotive du commerce de ce quartier. Mais bien d'autres activités économiques ont existé à Avenue Forest, avec quelques secteurs mieux représentés, comme l'édition et la presse, les professions libérales, les transports, la banque et l'assurance. Au numéro 11, la maison d'Ille, aujourd'hui fermée, arbore toujours sur sa belle façade à pans coupés des témoins de sa splendeur passée. La société Burr, Müller et Dill, 1889. Après 1870, de nombreux Alsaciens optent pour la nationalité française. C'est le cas d'Eugène Burr, né en 1845 et décédé en 1903. Il est le fils d'un cordonnier et bottier strasbourgeois qui devient à Charleville le successeur de l'ancienne maison J.L. Gérardin, spécialisée dans les courroies de transmission, dont la marque de fabrique représente 3 étoiles surmontant une lune renversée. Juste à côté, au 33 rue de l'Arquebus, son beau-frère Charles Müller, né en 1853 et décédé en 1917, reprend l'ancienne maison Hébert, fondée en 1845. La maison Hébert vend des cuirs et courroies en tout genre, des ficelles et papiers d'emballage, des huiles et accessoires pour machines, des articles pour forge, fonderie, filature, tissage, sucrerie ou moulin. Elle possède des dépôts à Sedan, Nouzonville et Épinal. En 1889, Burr et Müller s'associent à leur cousin Émile Dill, qui est né en 1860 dans le Bas-Rhin dans une famille de tanneurs et qui est décédé en 1950. Ils s'associent à lui pour constituer une société en nom collectif ayant pour objet le commerce en demi-gros et en détail de la taillanderie, de la courroie de transmission, des aciers, métaux et autres articles industriels et métallurgiques. Burr et Müller amènent leurs 2 fonds de commerce avec la clientèle, tandis que Dill apporte de l'argent frais. Le capital social est fixé à la somme de 270 000 francs. La société est gérée et administrée par les 3 associés, qui devront tout leur temps et tous leurs soins aux affaires de la société. Burr reste seul chargé de l'achat des différents articles. Naturellement, le bénéfice net appartient aux associés proportionnellement à leur mise sociale et est payable tous les ans dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire annuel. La maison d'Ille, 1919, 3 générations de négociants. Le 3e associé, Émile Dill, survit à ses 2 cousins et réunit finalement entre ses mains l'ensemble des parts. Quand Eugène Burr décède en 1903, la liquidation fait apparaître une masse active de 381 062 francs et une balance largement excédentaire. Müller et Dill proposent au liquidateur de reprendre le fonds de commerce, le matériel, l'achalandage, les marchandises et la clientèle moyennant un rabais de 7% pour avarie ou dépréciation des marchandises sur les différentes estimations portées à l'inventaire. L'offre qui paraît avantageuse est acceptée. La nouvelle société Müller & Dill a un capital social fixé à 150 000 francs, détenu aux deux tiers par Müller, lequel meurt en 1917. En 1919, après le partage des héritiers, la maison Müller & Dill est attribuée en toute propriété et sans aucune charge de soult à Emil Dill, successeur. La maison se diversifie, caoutchouc, meule en émerie, huile et graisse pour l'industrie, et vend une spécialité de fourche américaine Excelsior avec des manches en frêne d'Amérique. Sur la façade, une plaque rappelle toujours le dépôt en acier des établissements Jacob Holzer d'Unieux dans la Loire. Le 1er juin 1923, Pierre Dill, né en 1890 à Charleville, alors célibataire, succède à son père et requiert son immatriculation dans le registre du commerce du tribunal de commerce de Charleville. En 1929, un catalogue de Pierre Dill présente les raccords en fonte malléables pour tubes en fer et pièces d'appareillage proposées en magasin. Dans les années 1930, viennent s'ajouter des accessoires automobiles. Un journal des ventes pour la période 1935-1937 confirme la bonne santé économique des établissements avec des achats au jour le jour et des commandes quotidiennes qui émanent de clients de tout profil. Au sortir de la guerre, le commerce du 11 avenue Forest n'est pas touché ni susceptible de l'être par les ordonnances en vigueur sur les bénéfices illicites ou la collaboration avec l'ennemi. Le bénéfice commercial est de 418 706 francs en 1945, il dépasse le million en 1946 et monte à 2 388 289 en 1947. Et à partir de 1949, le relais est passé à la troisième génération. Cette année-là, Pierre Dill et son fils Michel, jusque-là employé de commerce demeurant à Mézières, mais fils unique et seul présomptif héritier, déposent les statuts d'une société à responsabilité limitée qui a pour objet le commerce de tous articles de quincaillerie et de tous outillages, machines, outils, appareils, fournitures et produits à l'usage de toute industrie, et plus spécialement, l'exploitation du fonds de commerce qui est apporté par Pierre Dill. Le total des valeurs comptables et des valeurs d'apport est de 3 367 000 francs. La maison prend pour dénomination établissement Dill et poursuit pendant encore 3 décennies son activité. Une enseigne historique du 11 avenue Forest. La façade de la maison Dill, en pierre de taille blanche et en briques rouges, porte en lettres romaines l'inscription 1881, époque de sa construction. C'est une bâtisse imposante construite sur 3 niveaux, avec des balcons aux belles ferronneries, des linteaux ornés de motifs végétaux et une corniche soutenant 3 lucarnes de toit. Avant 1914, les grands livres de comptabilité révèlent une clientèle bien sûr ardennaise avec des expéditions dans toute la vallée de la Meuse, mais diversifiée géographiquement. Les établissements ont trouvé des débouchés à Paris et dans toute la France, Vittel, Cousance, Boulogne, Épinal, Vesoul, ainsi qu'à l'étranger, Bâle, Aix-la-Chapelle, Ashton. Les registres de comptabilité conservés pour la période 1908-1937 rendent également compte des bonnes affaires de la maison. Ce succès est obtenu alors que dans la même rue existent plusieurs concurrents sérieux pour les fournitures industrielles. Carrie Aîné, Fonte, Charbon et Coke, 1887. Alfred Bayot qui proposait un matériel moderne pour fonderie et aciérie, 1913. Hector Briard pour les fers, fonte, tôle et acier, 1922. En 1949, le magasin des établissements Dill comprend 6 bureaux, un coffre et une armoire, ainsi qu'un matériel abondant. Un casier à tiroir, 2 machines à écrire, 3 bascules, 1 balance, 1 machine à tarauder et 1 machine à scier, 1 moteur, 2 treuils et 2 comptoirs. Table, siège, rayon complètent l'ensemble. Pour évoquer ce monde disparu, citons quelques-uns des articles alors en rayon. L'acier étiré, les alésoirs, les attaches de courroies, les bagues d'arrêt, les cisailles, clés à molette, crépines, cris, découpoirs, électro-meules, étaux, forges portatives, godets, graineurs, indicateurs à réflexion, lampes à souder, lances d'arrosage, limes, mandrins, manomètres, montures de scie, pierres à affûter, pinces, pelles, pioches, ponts, plaques à souder, poupées de tour, raccords, rivets, robinets, roulements SRF, tamis, tubes, tuyaux, ventilateurs, etc. Les établissements Dill ferment en 1981. Pendant quelques temps, le CERJA, Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes, s'est installé au premier étage du numéro 11. Aujourd'hui, un assureur occupe les locaux du rez-de-chaussée. Écrit par Florent Simonet, Société d'histoire des Ardennes. Les sources de cet article sont le registre de comptabilité des établissements Dill et le tribunal de commerce de Charleville. 10. Expression politique. Les comptes sont bons. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Le dernier conseil municipal a été l'occasion de prendre connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes du Grand Est, établi à l'issue d'un contrôle de la gestion financière de notre ville. Pour rappel, ces chambres dépendent de l'État et sont chargées de vérifier régulièrement les comptes des collectivités locales. Donc rien de sensationnel à ce que leurs magistrats se penchent sur les finances carolo-massériennes. De fait, on ne relève rien de sensationnel non plus dans leurs conclusions. Au-delà de quelques préconisations purement techniques, leur principale constatation est simple. Nos finances sont tendues. Une évidence quand on sait que Charleville-Mézières constitue la 65e ville la plus pauvre de France. Comparé à d'autres villes plus favorisées, cela signifie que nous avons à Charleville-Mézières nettement moins de ressources pour répondre aux besoins de nos habitants. Depuis 10 ans que nous sommes élus, il y aurait bien eu un moyen simple d'obtenir des recettes supplémentaires. Nous aurions pu augmenter les taux des impôts locaux. Nous nous y sommes toujours refusés. Au contraire, nous avons même réduit les taux de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, avant sa suppression, de 10% sur la période 2014-2020. Et depuis, nous avons maintenu ces taux rigoureusement stables. Autre solution de facilité, nous aurions pu recourir massivement à l'emprunt, comme le firent nos prédécesseurs, qui ont augmenté de 100% l'endettement de notre ville entre 2001 et 2013. Depuis 2014, malgré une période de crise d'une rare intensité, la dette de Charleville-Mézières reste importante mais a été maîtrisée, ce que reconnaît justement la Chambre régionale des comptes. Toute notre énergie, nous l'avons mise à réduire nos dépenses courantes, à réorganiser nos services publics pour les maintenir à un coût réduit. Nous avons ainsi pu continuer à investir et à préparer l'avenir, à l'image de la rénovation complète des 9000 candélabres de notre éclairage public. Nous y investissons plus de 15 millions d'euros, mais au final 83% d'économie d'énergie. En somme, malgré des conditions difficiles, nous avons tenu et nous tenons le cap. Et avec l'aide d'Ardennes Métropole, notre communauté d'agglomération, nous continuons à investir pour moderniser, redynamiser et embellir notre belle ville de Charleville-Mézières. Toujours plus à droite, par Anne Papier pour la liste « Une ville pour tous ». De récentes publications dans la presse révèlent que les villes consacrent toujours plus d'argent à leur police municipale et à son armement. Charleville-Mézières ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire. Là où les services publics doivent se serrer la ceinture au détriment de la population et des citoyens, là où les associations sont de moins en moins soutenues alors qu'elles créent du lien social, la police municipale est l'absolue priorité de la mairie et échappe aux restrictions budgétaires et à l'austérité généralisée. On punit, on contrôle, on réprime, au lieu d'encourager les démarches qui créent du vivre ensemble et de la solidarité, de l'entraide au lieu de la compétition. On ne fait pas une société en punissant et en menaçant. On fait société en éduquant, en dialoguant et en construisant des ponts entre les citoyens, pas des barrières. Les descentes de police régulières dans le quartier de la Ronde Couture montrent bien que la politique sécuritaire n'est pas suffisante, même si à court terme, elle semble de bon sens et rassurante. On constate un problème. L'insécurité, la délinquance, et on réagit par la punition et l'intervention musclée. Mais quelles sont les démarches de long terme pour lutter contre la fracturation de la société? Quels sont les projets pour construire une communauté qui s'entraide au lieu de s'opposer, pour éduquer et faire de la prévention au sujet de la drogue comme des violences? Où sont passés les médiateurs, les éducateurs, les associations qui peuvent mener des actions de formation, accompagner les familles, les jeunes, aider à construire un projet de formation pour chacun et lutter contre le décrochage scolaire et la délinquance? L'insécurité existe, réagir est nécessaire, mais la seule réponse ne peut pas être une série de descentes de police et une escalade dans l'armement et la vidéosurveillance. Ce n'est pas un projet de société durable. On retrouve ici l'idéologie qui guide le gouvernement. Renforcer les divisions de notre société plutôt que d'essayer de construire un projet collectif. La droite au pouvoir s'est opposée les jeunes aux retraités, les pauvres aux un peu moins pauvres. En remettre une couche dans la détestation des fonctionnaires, qui plaît toujours, promouvoir cette vision populiste qui cible les services publics, les réfugiés et les chômeurs et retraités comme des grands privilégiés sur qui il faut taper pour réduire la dette. Quand parlera-t-on sérieusement des super-profits des très riches? Quand parlera-t-on sérieusement des super-profits des très riches et des grandes entreprises qui ont 1000 moyens d'échapper à l'impôt contrairement aux citoyens lambda? Ce sont eux qui creusent la dette, pas les retraités, ni l'aide aux migrants, ni les infirmiers ou les professeurs. Sans ces derniers, en revanche, la société se délite. On a vite oublié les applaudissements aux services publics pendant le Covid. 40 hectares de feuillus bientôt rasés dans la forêt de la Havetière. par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Dans une vidéo parue sur son compte Facebook, l'association Nature et Avenir fait part de son inquiétude concernant l'avenir de la forêt domaniale de la Havetière, située au nord de Charleville-Mézières, en partie sur le territoire de la commune. Il est prévu d'y planter massivement des résineux sur un tiers de sa surface après la coupe rase de près de 40 hectares de feuillus, surtout des chênes. Cette gestion est contraire à toutes les préconisations scientifiques, en particulier l'Académie des sciences qui demande que pour gérer les effets du changement climatique, l'on évite autant que possible les coupes rases en conservant de vieux arbres. Ce qui est prévu dans l'aménagement de la forêt de la Havetière ne va pas dans ce sens. Une coupe rase récente sur une pente forte nous montre un sol à nu, raviné, lessivé. C'est ce qui est promis aux plus de 40 hectares de parcelles de feuillus destinées à être rasées, remplacées par une monoculture de résineux. La même Académie des sciences publiait l'an dernier un état des lieux des forêts face au changement climatique. Nos poumons s'essoufflent. Les forêts du Grand Est, comme celles de Corse et des Hauts-de-France, n'assurent plus leur rôle de puits de carbone depuis 10 ans. Elles émettent même du dioxyde de carbone du fait du réchauffement climatique, des maladies et de la surexploitation, spécialement des coupes rases. La région comptait pourtant beaucoup sur sa forêt pour atteindre la neutralité carbone en 2050, objectif affiché aussi par la ville quand celle-ci a décrété l'urgence climatique sur ma proposition il y a quelques années. Nous sommes en réalité dans un cercle vicieux. La trajectoire actuelle de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre nous amènerait à un réchauffement de 4 degrés à la fin du siècle, ce qui mettrait en péril la moitié des forêts du Grand Est. Le réseau Canopée et localement des associations comme la CAOET nous mettent en garde. Nos mauvaises pratiques menacent notre avenir. Il est temps, avec Nature et Avenir, de dire non à ces coupes rases absurdes et climaticides. 11. Ardennes Métropole Le Mag. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. La bougie sur le gâteau. Pour Ardennes Métropole, l'année qui s'achève aura été un peu particulière. Créée en janvier 2014, notre communauté d'agglomération a en effet fêté ses 10 ans. 10 années d'activité au cours desquelles nous avons échafaudé puis porté de nombreux projets visant systématiquement deux objectifs. D'une part, rendre l'agglo plus attractive, d'autre part, améliorer la qualité des services proposés quotidiennement à sa population. À chacun de juger si nous avons atteint ou pas ces objectifs, sans jamais perdre de vue le fait qu'Ardennes Métropole, compte tenu de sa taille, constitue aux côtés du conseil départemental la principale locomotive des Ardennes. Nous allons ici tâcher de vous remémorer les principaux dossiers sur lesquels nous avons travaillé, mais aussi de lister ceux qui vont nous occuper ces prochaines années, sachant pertinemment qu'en cours de route, il nous faudra nous pencher sur d'autres urgences liées à l'actualité du moment. Le fameux adage selon lequel gouverner, c'est prévoir, a ses limites. Mais au-delà de cet exercice, j'aimerais profiter de l'occasion pour me réjouir de la manière dont notre collectivité fonctionne. La naissance d'Ardennes Métropole n'a pas été une chose aisée, certaines de ses communes membres n'intégrant cette nouvelle structure qu'avec la plus grande circonspection. Il a donc logiquement fallu rassurer, apaiser et prouver chaque jour que notre but était avant toute chose collectif. 10 ans après, chacun a, je le crois, trouvé sa place. À de très rares exceptions, lors de nos débats, c'est la bonne volonté qui prédomine et non l'opposition politicienne, et c'est très bien ainsi. Tant que nous conserverons cette ambition commune d'aller de l'avant, nous pourrons continuer à œuvrer pour le bien de notre territoire et de ses habitants. Ardennes Métropole a fêté il y a peu son 10e anniversaire, l'occasion de dresser le bilan de ses 10 années d'existence, sans oublier le rappel des services que vous rend l'agglo 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Imaginez une journée comme tant d'autres. Vous vous levez et passez aux toilettes, utilisant le réseau d'assainissement géré par Ardennes Métropole, plus de 900 km de canalisation par lesquelles transitent les eaux usées. Comprenez les liquides souillés rejetés par vos éviers, lavabos, douches, baignoires, WC, lave-linge et autres lave-vaisselle. Les eaux en question aboutissent à une station d'épuration, elle aussi gérée par l'agglo ou ses délégataires, et dont la fonction consiste à les purifier pour pouvoir au final les rejeter dans la nature sans risque de pollution. Deuxième étape, la douche, qui coule là encore grâce à l'agglo en charge de la distribution de l'eau potable. Avec pour ce faire un second réseau représentant 1200 km de canalisation par lequel circulent annuellement plus de 10 millions de mètres cubes d'eau. Il est alors l'heure de vous rendre au travail ou en cours, vous pouvez utiliser le réseau de transport en commun. 61 bus qui tournent sur 25 lignes parcourant chaque année près de 2 millions de kilomètres pour transporter 2,6 millions de voyageurs. Ou si vous préférez, vous pouvez enfourcher l'un des 100 vélos à assistance électrique du réseau Cyclam. Dans les deux cas, le service vous sera proposé par Ardèle Métropole. Envie de piquer une tête, de patiner ou de faire un tour à la médiathèque avant de rentrer à la maison, sport et culture, les établissements communautaires vous accueillent. Et ce soir avant de vous coucher, n'oubliez pas de sortir votre poubelle. Demain, c'est jour de collecte et les agents de l'agglo seront à l'heure pour vous débarrasser de vos déchets. Cette activité quotidienne permet déjà à Ardenne Métropole de dresser un bilan fort honorable de sa première décennie d'existence. Mais elle se traduit également par des dossiers en cours d'étude ou en voie de réalisation, suivant leur état d'avancement. Avec, dans chacun des cas, la même volonté, renforcer l'activité et l'attractivité du territoire communautaire pour le bien de tous ses habitants. L'heure du bilan a sonné. Inauguré à la rentrée 2019, le campus Sup-Ardenne constitue l'une des réalisations les plus emblématiques portées par Ardenne Métropole ces dernières années. Rappelons que depuis, le nombre de nos jeunes poursuivant des études supérieures a augmenté de plus de 50%. Autre succès flatteur, la campagne menée pour diminuer de manière significative le tonnage de nos ordures ménagères, avec pour résultat une baisse de plus de 20% de ce tonnage. Merci à vous. Dans le désordre, on peut également noter les 130 bornes de recharge électrique désormais opérationnelles et de plus en plus utilisées, les 100 vélos à assistance électrique du réseau Cyclam et les quelques 42 000 km parcourus depuis leur installation en juillet 2023, ou encore le travail de fond effectué en matière d'amélioration de la qualité de la ressource en eau, avec à la clé la baignade dans la Meuse de l'été dernier, ou la lutte quotidienne pour garantir aux habitants de l'agglo l'accès rapide à des professionnels de santé qui s'est traduite concrètement par l'ouverture de maisons de santé modernes et fonctionnelles. On peut aussi citer le succès des équipements ludiques ou culturels gérés par l'agglo, centres aquatiques, patinoires, médiathèques, conservatoires, ou bien les investissements d'avenir réalisés en matière de sobriété énergétique. Le centre aquatique du Mont Olympe consomme 40% de moins qu'avant à confort égal, et les autres bâtiments communautaires sont en train ou vont suivre cet exemple. Il y a aussi le soutien apporté à l'activité économique, donc à l'emploi, SPL Mercure, pépinière ou incubateur d'entreprise. Et pour finir, l'aide accordée à la rénovation de logements, plus de 300 dossiers validés dans le cadre des OPAH. Et demain alors? Pour la prochaine décennie, voici une courte liste de dossiers sur lesquels Ardenne Métropole est déjà mobilisée. La reconquête de nos friches avec la volonté de créer de l'activité en reconstruisant la ville sur la ville. Exemple le plus emblématique, la Massérienne. Le projet consistant à créer un pôle d'attractivité mêlant commerce, diffusion culturelle, tourisme ou développement durable. Mais l'agglo avance également sur les dossiers Manille, Viviers-Aucourt, Maury, Sedan ou Adelincourt, Thomé-Génaud, Nouzonville, sans oublier l'arrivée d'Hermès sur la friche de ville à Charleville. Nous allons aussi apporter un soutien constant à l'offre de formation supérieure avec notamment la construction d'un nouveau bâtiment au campus afin d'accueillir des élèves infirmiers ou aides-soignants. Il y aura aussi l'aménagement d'une maison des internes à Charleville, comprenant des appartements destinés à recevoir dans les meilleures conditions les internes fréquentant nos établissements de santé. Le but étant de les inciter à s'installer sur notre territoire. Dans le même domaine, l'agglo va continuer à soutenir la création de maisons de santé, la prochaine ouverture devant concerner celle du quartier du Lac à Sedan. Quant à notre projet de réduction des déchets superflus, il va se poursuivre, aidé par les bacs à biodéchets ou composteurs partagés installés par l'agglo. À plus long terme, l'instauration d'une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères se trouve toujours à l'étude. Nos transports collectifs vont eux aussi se verdir. D'ici 2031, les TAC disposeront de 9 bus électriques, dont 3 livrés dès 2025. Autre projet d'envergure, la création d'un établissement pénitentiaire à Donchery destiné à favoriser la réinsertion des détenus. Un investissement de 55 millions d'euros qui se traduira par la création de plusieurs dizaines d'emplois. Côté équipement sportif, deux gros dossiers sont sur la table, la rénovation totale de la piscine de la Ronde Couture et la création de terrains de foot synthétiques près du stade Dugoguez, aux côtés de la ville de Sedan. Mais l'aspect culturel n'est pas en reste avec pour principal projet la constitution d'un nouveau musée à Sedan, au quartier Faber, la thématique actuellement envisagée étant l'interprétation des conflits. Et pour finir, sujet majeur pour les années qui viennent, la protection ou la restauration de nos zones naturelles, forêts, cours d'eau, zones humides, regroupées sous l'appellation trame verte et bleue. Une volonté qui va se traduire par des actions concrètes, coulées vertes à Bazeilles, ruisseaux de Tourne et Issancourt, ou récemment le programme Planter des haies. Le mercredi 18 décembre, venez rencontrer le Père Noël et l'équipe de RVM en direct depuis le bus de Noël. Trophée des entreprises 2025. Ardennes Métropole récompense les entreprises du territoire qui se sont distinguées durant l'année par leur réussite et leur dynamisme. Les entreprises ont jusqu'au 17 janvier 2025 pour s'inscrire à l'édition 2025 des Trophées des entreprises dans l'une des 6 catégories suivantes: artisanat, commerce, tourisme, industrie, service ou environnement. Vous trouverez plus d'informations sur ardennes-métropole.fr. Équipement sportif. À Sedan, le centre aquatique sera ouvert de la période scolaire jusqu'au 22 décembre inclus. Il y aura un meeting hivernal le dimanche 15 décembre de 7h à 19h organisé par le SNS. Ce sera donc fermé aux usagers mais accessible au public. Le centre aquatique sera cependant fermé pour vidange du 23 décembre au 5 janvier. À Charleville-Mézières, le centre aquatique Bernard Albin sera ouvert de la période scolaire jusqu'au 22 décembre inclus et pendant les vacances du 23 décembre jusqu'au 5 janvier. Les veilles et jours fériés, le mardi 24 et 31 décembre, le centre aquatique sera ouvert de 9h à 12h30 et le mercredi 25 décembre et 1er janvier, il sera fermé. La piscine Ronde Couture à Charleville-Mézières sera quant à elle fermée pour travaux jusqu'au 17 mars 2025. En ce qui concerne la patinoire Elena Isachenko, elle sera ouverte de la période scolaire au 22 décembre et pendant les vacances du 23 décembre au 5 janvier. Les veilles et jours fériés, mardi 24 et 31 décembre, elle sera ouverte de 9h à midi et elle sera fermée le mercredi 25 décembre et le 1er janvier. Plusieurs activités seront organisées à la patinoire. Il y aura un petit déjeuner offert le dimanche 15 décembre de 9h à midi, une boom crêpe partie le samedi 21 décembre de 14h à 17h15, une soirée Noël le vendredi 27 décembre de 20h30 à 22h45, une boom partie le samedi 4 janvier de 14h à 17h30 et une soirée blanche vendredi 10 janvier de 20h30 à 22h45. Plus d'infos sur équipement avec un S, ludique avec un S, point ardennes-métropole.fr. Retrouvez la billetterie sur billetterie.ardennes-métropole.fr. Médiathèque. Voici la programmation de la médiathèque Voyelle de Charleville-Mézières. Le mercredi 11 décembre à 20h, la Société des écrivains ardennais vous propose une rencontre littéraire. Benoît Caron présentera sa série de romans, Le cycle des Maugis. Le mercredi 18 décembre à 16h, vous retrouverez une lecture en musique sur le thème de l'hiver, accessible dès 3 ans. Le mercredi 18 décembre à 19h30, cinéma, séance en cours avec la pellicule ensorcelée, réservée aux ados et aux adultes. Le samedi 21 décembre à 14h, un tournoi Fortnite sera organisé et il sera accessible dès 12 ans sur inscription. Le samedi 4 janvier, l'association Aux Portes de l'Imaginaire, en partenariat avec la médiathèque Voyelle à Charleville-Mézières, vous propose de découvrir le jeu de rôle. À 10h, ce sera réservé au jeune public et à 14h pour les jeunes et tout public. Vous trouverez plus d'informations sur médiathèque avec un s.ardennes-métropole.fr. Il y aura une audition de Noël le mardi 10 décembre à 18h30 dans la salle polyvalente de Prix-les-Mézières. Il y aura des chorales enfantines et des percussions. Le mercredi 11 décembre à 19h, ce sont les musicales Envie dans l'amphithéâtre Pierre Mendès France à Sedan. Ce sont les élèves du conservatoire qui vous invitent à découvrir un vrai patchwork musical. L'entrée est gratuite. Le samedi 14 décembre à 14h, venez découvrir la pause musicale par la classe de violon dans le hall du CH Nord Ardennes. Le samedi 14 décembre, il y aura aussi le marché de Noël à 16h30, Sedan, place d'Armes. Le dimanche 15 décembre à 16h, vous pourrez écouter un concert de Noël à 9 Manil Église. Le mercredi 18 décembre à 18h, c'est audition à la carte. Les élèves du conservatoire vous invitent à découvrir un patchwork musical à l'auditorium du conservatoire. Le vendredi 20 décembre à 18h, vous pourrez retrouver une audition avec du hautbois au Conservatoire de Charleville-Mézières. Durant le marché de Noël, le vendredi 20 décembre à 19h15, place du Cal, retrouvez Solishore. Le vendredi 20 décembre à 20h, retrouvez un concert avec de la harpe, du chant et une chorale. Le lieu reste à définir. Et pour finir, le samedi 21 décembre à 10h et à 14h, il y aura une audition de clarinette au conservatoire. Vous trouverez plus d'informations sur ardennes-métropole.fr. Déchets. Jour férié et rattrapage des collectes. Le mercredi 25 décembre, les collectes du matin et de l'après-midi seront rattrapées le samedi 28 décembre. La collecte du soir sera quant à elle effectuée le lendemain, le jeudi 26 décembre. Pour le mercredi 1er janvier, les collectes du matin et de l'après-midi seront rattrapées le samedi 4 janvier et la collecte du soir sera effectuée le lendemain, le jeudi 2 janvier. Les déchetteries seront fermées les jours fériés.